sous les cocotiers. Mais les bien dolce, pépita de la licante. Mais fais comme Dante, on sort ta cheese dans la petite piscine. Et te regarde de travers, son petit boule t'assassine. Mais toi, allez, fais pas la difficile. Être masse d'eau, être mes bien escaline. Faut pas trop parler, faut que ça cantine. Bouge ton boule lasine, pépita s'arrête à la lime. C'est la plus maligne, je respecte ta soeur, moi je vais pas toucher. Ferme ta gueule ou tu vas loucher. Son avenir, je suis le brancardier. Si tu t'inquiètes, je vais la protéger. Tu demandes la main, elle te présente à son père. Et dis-toi à traficanter. Ma fille, tu veux la marier? Je la promène dans tous les quartiers. RS3, tu veux l'embarquer? Elle est trop dolce. Ma fille, tu veux la marier? Je la promène dans tous les quartiers. RS3, tu veux l'embarquer? Elle est trop dolce. Je fais la coupe, je vais la voir ganter. Même à trop de tenter, je suis pas prêt de rentrer. On se promène, y'a que des jaloux. Chapeau de paille, on est à salut. Avec elle, c'est magique, en bino, c'est magique. Tic, tic, tic, tic, dans le cac magique. Mon coco, ta copine, elle a ma photo. Mon coco, chapeau de paille à la Mexico. Devant elle, tu fais le poli. Je sors bien ton conti. Au parlu, elle est jolie. Dans l'hôtel des je t'aime à la folie. Tu demandes la main, elle te présente à son père. Et dis-toi à traficanter.